Hadith divin. Hadith divin. Al-Hadith al-Qudusi. Le Hadith divin, ou Hadith sacré, ou parole divine, peut être défini comme une parole dont la signification et la provenance est d'Allah le Très-Haut, mais l'expression est celle du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Voici un exemple de Hadith Qudsi rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agré. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Allah a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui donc qui accomplit un acte dans lequel il m'associe à un autre que moi, je l'abandonne lui et son association. » Hadith rapporté par Muslim.